anniversaire. J'ai aperçu ton regard. Regarde-moi hardi et fier. Je lui écris sur un boulevard. Veux-tu danser bébé ce soir? On s'embrassera dans la fête. Après avoir lu mon mot, elle baisse les yeux et me fait la tête. La soirée était si belle. La soirée était magique. La fille était si cruelle. Son destin était tragique. Tragique, tragique, tragique. La fille était si cruelle. Tragique, tragique, tragique, tragique, tragique. Les spots bleus, jaunes, rouges, je m'achève. J'ai trop bu de ce cocktail. Sors dehors, me prends la tête, me la martèle, me la martèle. La fille me montre à ses amis qui se moquent de moi et sourient. Il rit jaune, moi je crache du verre et je me repentis, me repentis. La soirée était si belle. La soirée était magique. La fille était si belle. Son destin était tragique. Tragique, tragique, tragique. La fille était si belle. Son destin était tragique. Dans la salle, des regards noirs pèsent sur moi. La fille vient vers moi, me dit tout va. Tu n'as qu'à chercher la sœur chez des bonnes sœurs, chez des bonnes sœurs. Au moins elles auront pitié de toi. La fille s'en va et c'est l'arrêt du cœur. La soirée était si belle. La soirée était magique.